Fred Rap. À partir de maintenant, radio validée par Skyrock. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Gradure. On est là. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Gradure. Okay. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour le Planet Rap consacré à Gradure. L'album tant attendu sort dans une semaine. On est à 7 jours de la sortie de l'album L'Homme au Bob. On attend vos réactions avec le hashtag Gradure sur Skyrock, avec le hashtag L'Homme au Bob. Et puis également un petit jeu hein, sur du Gradure, je fais. C'est aussi ce hashtag, vous nous rajoutez la suite. Ou alors au 41 759. On accueille Gradure tout de suite, mais juste avant on va évidemment commencer par ce medley, le medley des morceaux de Gradure tout de suite dans Planet Rap. Skyrock Gradure validé par Skyrock. Ce soir Planet Rap Gradure L'Homme au Bob. Il y a du monde derrière ou pas? Ouais. Le premier sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'ai quitté mon ses sous Jack avec une grosse feuille d'un. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Planet Rap Gradure. Planète Rap. Sortez les peupons, Néro, sortez les peupons. Dans mon 5-9, c'est la guerre. Néro, sortez les peupons. Sortez les peupons, Néro, sortez les peupons. Je veux dire qu'il ne pète à City. Sortez les peupons. Je rêvais d'être footballeur, j'ai fini picraveur sur le thé. Casse ta puce pour tes marques, j'ai la sculpture des. Pour un litre en peu, on va te drive-byer en air. Va te glace, accélère, accélère la vue sur air. J'suis dans la tourmente, ouais gros j'suis dans la tourmente. Tous ces bâtards veulent ma bite, un qui m'attend au tournant. J'suis dans la tourmente, ouais gros j'suis dans la tourmente. Tous ces bâtards me guettent du coin, un qui m'attend au tournant. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trail. J'les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Venez riche quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du rage. Planet Rap, Planet Rap. Au régiment, j'avais mon pharmace Billy. Et au checkar, j'avais mon 762. Avant mes chèques, ils se battaient pour des billes. Maintenant, on se fume pour 2-3 litres en feu. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Planet Rap. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Un membre de ma clique, Néro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Gradure, XO, Roubé, Sevran. On n'est pas tout seul. Skyrock, Planet Rap, Skyrock. Sur du Gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casse. Un peu dans le casse. Ouais, je répète, c'est un peu dans le casse. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon. J'ai l'herge, car tu t'es prise dans le cul et pas la techa. Non, non, pétasse, crois pas que tu vas nous bluffer. De la mèche, je veux partir, rien qu'avant le réveil, je suis refait. Planet Rap, Planet Rap. J'arrive dans le game en TI et toute la concurrence, je la baisse. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon galop, c'est du 93 XO. Tire des balles sur des cibles, crache ma haine sur un beat. Moi j'avoue comme un beat, et ta gomme suce la bite. Dans 5-9 j'abuse. J'continue, pas de ce qu'elle demande en vue. J'vais tous les terrasser. J'vais tous les terrasser. Prends ton shine, on leur croquette. J'les attaque au LRAC. C'est toujours les mêmes merdes à la radio. Négro, j'en ai assez. Ce soir, Planet Rap, en direct avec Gradure sur Skyrock. Et c'est parti donc pour ce Planet Rap avec Gradure. Ouais, Fred, c'est est-ce que ça va? Bah, surtout à toi que j'ai envie de demander, est-ce que ça va? Ouais, ça peut aller, ça peut aller. Bah, on a vu, oui, des images qui ont été balancées ce week-end, accident de voiture, donc à une semaine de la sortie de l'album. Ouais. Truc qui doit faire un peu flipper, mais ça va. Ouais, ça va. On a failli crever, mais on est là, donc c'est bon. Bah, vous êtes là. Ouais. Faire attention en voiture, évidemment, sur la route, et puis c'est vrai que c'est. Quelque part, j'ai envie de dire, ça ressemble un peu à la vie que t'as ces derniers mois. Tout va tellement vite. Ouais, ça va vite, ça va vite. Ça, c'est un truc qui te fait prendre conscience en te disant, waouh, quand même, faut aussi faire gaffe et se ménager un petit peu de temps, faire attention. Ouais, faut que je reparte en Afrique, là aussi. Ah ouais, t'as besoin un peu de souffler un peu, là. Ouais. T'es dans quel état d'esprit, là, une semaine avant la sortie de L'Homme au Bob? Bah, j'étais bien, mais ça m'a contrarié un peu. Ah bah, je comprends, en même temps, c'est toujours chaud quand tu m'étonnes, ouais. Je te cache pas, j'étais pas trop chaud pour venir et tout avec ça, mais. On est là, on reste professionnel. Il y a une promo, à faire, il y a un album. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps. Donc on va leur donner ce qu'ils attendent. Bon, bah c'est un gradure donc quand même Rick qui reste motivé parce que l'album est bon. T'es content de cet album, c'est ton. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais. On va pouvoir le découvrir cette semaine entre 20 et 21. Il s'appelle L'Homo Bob, il était attendu depuis quelques mois déjà. T'étais venu dans un Planète Rap l'automne dernier. Ouais, on avait parlé de tout le phénomène, tout ce qui se passait autour de toi. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu encore des choses différentes sur ces derniers mois? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as vu? Je sais que t'as pas mal voyagé aussi. Ouais, j'étais à Chicago. Évidemment aux États-Unis. J'étais à Chicago. L'Asie. J'étais à Atlanta. J'étais en Thaïlande. Au Mali aussi. Donc ça va. On a bien bougé. Rencontré du monde. Ouais. Reçu des vibes différentes et donc là t'as juste une envie que maintenant ils sortent. Ouais, que ça sorte comme ça, je suis soulagé. Que voilà, que ça sorte, que ce et soit que ça crache comme ça après. Je souffle. Et tu pourras souffler un petit peu. Voilà. Ça s'appelle L'Homo Bob, on va le découvrir tous les soirs entre 20 et 21. On va saluer aussi le Chez Guesquad, hein, toute l'équipe qui est là. Squad. Voilà, Yanida. Il y a Nida là-bas au fond à droite. Il y a Kaïps qui est là. Ouais, bien défoncé comme d'hab. J'allais dire double... ils sont en pleine forme, mais c'est. Voilà, il y a le double bras. Lui aussi. Ça change pas. Il y a le Kaïps, pareil. Bon, ça va bien, messieurs, tout le monde est en forme. Voilà. Toujours. Et ben c'est parti pour cette semaine, Planète Rap avec Radio. On attaque avec Jamais. Ouais, vas-y. Allez, coup d'envoi, c'est parti. PD qui parle sur moi, négro, rien que je m'en bats les couilles. Si tu veux tirer, tire mon gilet sans pas trop les coups. Je veux ramasser les billets, je veux plus ramasser les douilles. Mon Dieu, donne-moi une fille bien marre de doguine et des douilles. La gloire m'a frappé sec depuis toutes ces salopes, elles mouillent. Et quand le buzz il tombe à l'eau, mais dis-moi est-ce qu'il rouille. Un pote c'est comme un frère rebeu, donc fais gaffe à sa souille. Tu l'as baisé, t'as fini buté à poil par son rouille. Chez Gay, faut respecter la loi, surtout la loi de la rue. Sinon tu vas te faire buter dans un trotteur sur ma rue. Ou dans une Subaru, à la Tupac Camaro. Car ma ligne de conduite, j'ai vite skyé, accident de la route. Claque pas des cueils en boîte pour des salopes, ça c'est de la frime, hein. Charbonné pour payer une ville à maman en Afrique. Faire des concerts aux Aïres, voir les jaloux nous haïr. Prier Dieu qui m'épargne des faux amis qui veulent me trahir. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'âme. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'âme. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Jamais, jamais. J'bois la vie au goulot, continue mon boulot. J'arrêterai une fois que je serai joué par Pascal et Bruno. C'est pas le rap qui m'a fait manger, donc je suis allé taper. C'est pas les potes qui m'ont fait gonfler, c'est le pandou et le marfait. Un bleu rebelle comme Yann M. Villa demande même à baffer. Voir mon public qui fait en concert, ouais mon ego ça le fait. Les voir chanter à chaque scène, pas trop me soucier de la sacelle. Et tous ces faux amis qui viennent remplis de leurs idées malsaines. Creve pas tout négro, sachez que le buzz est complet. Je me dis qu'il peut partir à tout moment comme l'a fait mon ex. Alors je m'efforce de taper comme un soldat à la caserne. Je veux pas que les flics me ramènent, ni même qui me malmène. Toujours jugé par défaut à cause ma couleur est belle. Subir la discrimination en ce France ça me fait de la peine. Ouais, je t'avoue que ça me fait de la peine. Alors j'ai de me barrer. Je veux prendre mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et me reverront jamais. Amené. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais, jamais. Grosse casse-tête, Abdé, Anelin, cellule 227, les Trafam, bande d'enfoirés. Dédicace à Pouchin. Dédicace à Lionel, BDB, Anelin. Check, ensemble mon gars. Ça bouge pas, tout. Tous les mecs au Heps, ça bouge pas. On est ensemble, mes chéguets. C'est le Planète Rap avec Gradure entre 20 et 21 et ce morceau qui s'appelle Jamais, c'est extrait de L'Homo Bob. On est à 7 jours maintenant de la sortie. Ouais, J-7. J-7 de la sortie de L'Homo Bob Gradure. Mm. Bon, j'essaie de te faire dire que t'étais content, mais c'est vrai que là en ce moment tu vis tellement de trucs que ça doit être un peu compliqué de pouvoir souffler, de pouvoir prendre un peu de recul sur soi. Mais des morceaux qui sont sur cet album, est-ce que t'es fier? Voilà, est-ce qu'il y a une fierté aussi avec tous les morceaux qui sont présents dessus? Il y en a 17, hein, dessus, 17 titres. Ouais, ça va, je suis content. Mm. Je suis content. J'ai l'impression que t'es jamais satisfait en fait. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi, je suis déjà sur la mixtape là. Je me dis, ouais, il faut que la mixtape elle soit meilleure encore que l'album. Mais je crois que tu voulais pas prendre un peu de souffle. Ouais, je vais faire une pause, mais j'ai dit la mixtape, j'ai pas donné la date. C'est vrai que t'as pas donné la date. Ouais. Bon, bah ça arrivera par la suite. Là, déjà, on va se concentrer sur cet album qui s'appelle L'Homme au Bob. Et comment voir d'ailleurs quand on a un artiste, savoir si on est reconnu maintenant partout, c'est simple, il suffit d'aller sur le net et de découvrir le nombre de. Est-ce que t'as été faire un tour sur le net et est-ce que t'as vu tous les morceaux de toi qui ont été repris? Toutes les différentes reprises qui existent de Gradure? Non, j'ai pas vu. T'as jamais écouté? J'ai pas tout vu. Tiens, on t'a fait une petite sélection, écoute ça. D'accord. Planet Rap. Originalement, j'avais mon femme à Smelly. Et au Tchekar, j'avais mon 762. Avant, mes chèques se battaient pour des billes. Maintenant, se fume pour des nitrons de bœuf. Les gros, c'est trop grand, c'est un sac qui ne pas les gars. Ah ouais, c'est mon gars. Bam! On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro. Tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Gradure XO Roubaix se rend. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. On est tous un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, t'es ma, tous mes robes négro postichés dans le bloc, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon galop, c'est du 93 XO. Tire des balles sur des cibles, lâche ma haine sur un beat. Moi j'avoue comme ma pile, et ta gomme suce la bille. Dans ce secteur j'habite, si je continue, pas de qu'elle me demande en plus. Faut des calchots, prendre des fonds, fait qu'on dit ça tombe. La roumaine de Montpellier, ça. Planet Rap. Voilà une petite sélection de tout ce qu'on peut trouver sur toi. Ouais, c'était pas mal. T'en connais quelques-uns, j'ai repéré que t'en connaissais. Ouais, la reprise, la première reprise acoustique. Ouais. Et le petit aussi qui. Et la roumaine aussi. De Montpellier. Voilà. A priori, voilà. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a pas mal de reprises. Allez voir sur net, il y a des trucs bien, des trucs moins bien, des trucs quand même assez forts, même les guitares et tout. Ouais, j'ai bien aimé. Des bonnes reprises de Gradure, L'Homme au Bob qui sort la semaine prochaine. On va en parler cette semaine évidemment. Mm. Tous les soirs entre 20 et 21. Qu'est-ce qu'on met comme morceau Gradure? Qu'est-ce qu'on balance? On va en jailler un peu le peuple. Allons-y avec on va mettre Chez Guesquad. Le morceau Chez Guesquad. Histoire de réveiller un peu les mecs derrière là parce qu'ils ont trop fumé, je pense. Ils dorment. Ouais, ils dorment. C'est le morceau Chez Guesquad que tu nous avais filé dernier passage. En exclu. Moi j'avais adoré ce morceau, hein. Ouais. Fou ce morceau Chez Guesquad. C'est lourd, c'est lourd. C'est un gros morceau, on retrouve les membres du Chez Guesquad dessus. Hein. Voilà. Et à chaque fois que je vais en choquer, ils sont toujours là. 41759 aussi pour réagir à l'émission avec vos questions. Allez-y avec le hashtag Gradure sur Skyrock. Puis on annonce un petit jeu, si je sais pas si t'as vu, avec le hashtag j'écoute du Gradure. Écoute du Gradure est fait. Allez-y, 41759. Vous nous balancez vos propositions. Sur du Gradure, je fais. Voilà, exactement. Le hashtag, c'est sur du Gradure, je fais. J'ai vu pas mal de trucs arriver. Continuez à les balancer. Ok, parfait. Pendant le morceau du ça. Chez Guesquad qu'on écoute tout de suite. If she ain't fucking, she got to go. Yeah. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Word. Tell him don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell him don't waste my time. Waste my ensemble. Down my phone. Tous les rappeurs. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Chez Guesquad, on arrive de Roubaix pour baiser le game. Sur la route du pilon faire en détente. 35 piges, tu auras pas dans les temps. Non, les gros, c'est trop grave. C'est un soldat que tu veux parler d'armes. Je te rentrerai ma bite et calibre dans ton trou de bol. Bite et calibre dans ton trou de bol. Même tes piles, je sais qu'ils sont pas tailles. Putain, rejoins devant ma gauche. 9 mm à droite. Grosse tasse, ferme ma gauche. Forcément, gros. comment cette salope elle boite. Entrée avec mon famage la droite. Barbeau qui vit dans son QS squat. C'est pas d'arrogant, on n'a pas cru en nous. Tout le monde, c'est le feu. Dis-leur, c'est le Che Guevara squat. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur, c'est le Che Guevara squat. Je vais faire malade, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur, c'est le Che Guevara squat. Che Guevara squat. Dis-leur, c'est le Che Guevara squat. Che Guevara squat. Dis-leur, c'est le Che Guevara squat. Che Guevara squat. Dis-leur, c'est le Che Guevara squat. Che Guevara squat. Dis-leur, c'est le Che Guevara squat. On marche à 10 et pour toi. Toujours présent pour les niquer sur le beat. Dealer, c'est le Che Guevara squad. C'est le Che Guevara squad. Il veut tout sucer notre beat. On est des killers, on va tout plier des gars. On va tout plier des gars. Les négros sont pliés, veulent des billets, donc redébiter des kilogrammes. Des kilogrammes. Ouais, c'est quoi les bails bâtards? Ta face de la décale où je fais un drame. Bitch, tu kennes ou t'es propre? Tu suces ou tu trottes? T'assumes ou t'as fort? Bitch, Kata, tu suis ou t'es score? Les corps, tu michetonnes. Salope, t'es trop conne. J'suis à jeun. Et ton café a des sous. Et tous ces fils de pute, je les pêche, porte mes patins. Et j'en veux les rendre fous. Dis-leur que je suis plus chaud que la brève. Bâtard, on parle, on pas cru en nous. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. On vient de retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. Che Guevara squad. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. Che Guevara squad. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. Che Guevara squad. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. Che Guevara squad. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. On casse la monnaie comme un rapide. J'ai caché la bedaine dans le vide à ta clé. Arrête, il vient pas fumer sur mon paquet. Les Che Guevara sont prêts et demandent à ta qui. Vicieux, dissère la peuple, faut sachet. Faux chèque de banque, genre un gamos sous sa chaîne. Baveux et je risque le parquet. C'est parfait, t'es pas prêt, regarde nous débouler en paquet. Ouais, mon gros short de tôle. Ouais, ouais, mon gros pêche. Je me réveille, j'ai la gueule. Tu me jettes un sol. Versatier, Versatier, Versatier, c'est pas notre faute. Y'a de la drogue dans des sachets. Ray, où elle est, si par ici tout s'achète, ils se rachètent des coups, c'est pété, faut que vous le sachiez. Tous ces bâtards, on parle, on n'a pas cru en nous. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. Che Guevara squad. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. Che Guevara squad. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. Che Guevara squad. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. Che Guevara squad. Dis-leur, c'est le Che Guevara squad. Coup de machette à la tournée. Vouloir nous tester qui peut. Personne. Je traîne que dans des coins jaloux. Où ça peut chiter la meuf. Drogue. Les héros ont les poches vides. Quand faut couper la part en deux. Je sais que je vais les mettre en jeu. Je fais pas dans le ciné, plutôt dans le peur, ils vont halluciner. Passe-toi dans le mot plat, ton mieux se salquiner. Squat, squat. Putain, je rallie. Direction Berry, j'pilote sans permis. A 86, j'suis à Savigny. C'est qu'a dit, big up à Cauchy. Fuck it, she got to go. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. What? Tell them don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell them don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. No, no, no, no, no. Squad, squad. Chegué, chegué, chegué. Hey, y'a du monde derrière ou pas? Squad. À l'instant, tu vois, ça a beaucoup mieux en fait. Fallait qu'on mette le morceau. Regarde, c'est une bonne thérapie le morceau. Je t'avais dit. Voilà, le morceau Che Guevara Squad à l'instant sur Skyrock avec Gradure, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. Vos messages, allez-y sur du Gradure. Je fais je fais un FIFA, c'est Jeff Sterling qui nous envoie ça. En léger. Yanis qui nous dit sur du gradure, je fais des mômes. Fais-en plein alors. Yanis, tu vas avoir l'album qui arrive dans une semaine. Monter une équipe de foot. Ils vont faire 17. Sur du gradure, je fais mes maths et mes tractions et mes fractions, pardon, pas mal. Lucas qui nous envoie ça comme message. Vous continuez à balancer. Avec le hashtag gradure sur Skyrock. Entre 20 et 21. Tiens, on va faire un petit tour aussi sur le net, tout ce qu'on voit sur toi, tout ce qui se dit sur toi sur le net. Tiens, par exemple, tu me confirmes vrai ou faux, gradure. Ah, il paraît qu'il y a eu concours de chambrette avec Didier Drogba pendant la CAN. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il m'a chambré, il m'a chambré. Ça a chambré, c'était quoi? C'était sur Côte d'Ivoire contre le Congo, c'est ça? Voilà, voilà. Sur la victoire. Sur la victoire, ouais. Ouais. Toi, t'as supporté. Bah, mon pays. Ton le pays. Congo, ouais. Le Congo. Le Congo. Et lui, c'était forcément la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire. Mais chambré de bon esprit, hein. Ouais, c'est toujours bon esprit, c'est comme ça. Vous êtes rencontré avec Drogba ou? Non, juste sur le net, je parle un peu avec lui. Et il donne la force au max. J'ai l'impression qu'il suit gradué, en tout cas. Ouais, il donne la force. J'ai l'impression qu'il suit, hein. Ça fait plaisir, c'est un grand homme, c'est un grand joueur. Et il a fait beaucoup aussi pour son pays, même s'il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Il a fait beaucoup et ça fait plaisir. Ça, c'est des modèles. C'est des modèles pour nous. Eh ben, on le salue, Didier voilà. Drogba. Grosse force. Petit concours de chambrette, donc ça c'était vrai sur le net. Tiens, juste avant d'aller un petit peu plus loin et de poser la question vrai ou faux, je te fais écouter juste un extrait gradure, tu vas te reconnaître. Non, juste un truc, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puisque j'ai entendu là l'album sort et après déjà tu pars en retraite. Non, je vais faire une petite pause. Dis pas ça. J'ai trop donné. Allons, allons, allons. C'était pendant Planet Rap avec Alonso, t'étais venu, tu nous disais que tu partais en retraite. Alors vrai ou faux, ce n'est plus. Alors du jour la retraite, c'est fini, tu vas bosser. Non, et t'as fait comme un dingue. Je sors l'album, je fais la tournée et après je fais une petite pause. Je reviendrai. Et tu reviens, il y a une mixtape que tu vois. Je reviendrai plus fort si Dieu veut. Les concerts de gradure, il y a aussi bientôt là, ça approche. Il y a une tournée là qui arrive. Il devait y avoir le concert 7 février, je dis ça, mais le concert était annulé. La première partie. Voilà. Bon, chose qui n'a rien à voir avec toi, mais en l'occurrence, le concert a été annulé. Et là, donc, il y a février, c'est Bataclan, c'est ça, hein? Voilà, c'est Bataclan le 25, deux jours après l'album. À pas louper. Voilà, et je donnerai des t-shirts à tous ceux qui viendront avec l'album. Et je serai aussi à Lille, devant Foot Corner. Foot Corner. Devant, je serai à Foot Corner le jour de la sortie de l'album. Et je donnerai des t-shirts à donc, tous ceux qui ont acheté l'album. Le 23 février. Voilà. Ça, c'est aussi la suite de mon vrai ou faux. Vrai ou faux. Il paraît que tu as déserté le nord de la France, que tu n'y vas plus. Depuis si, je suis toujours là-bas. C'est vrai? Ouais. T'as envie de déserter du nord? Non, des fois ça fait du bien, mais ouais. Des fois ça fait du bien aussi de rentrer. Il y a ma famille, il y a mes potes. Et ça fait du bien de s'évader aussi. Mais je suis toujours là. Et vrai ou faux, L'Homme au Bob, l'album qui sort la semaine prochaine, lundi 23 février, sera l'album le plus lourd de l'année 2015. Non, on sait pas. C'est sûr. C'est le public qui va déterminer ça. Et ça se passe déjà bien, les précommandes ça marche fort hein, déjà pour Gradure. Ouais. C'est L'Homme au Bob, continuez. Dans un instant on va revenir, qu'est-ce qu'on mettra après la pub Gradure comme morceau? Tu veux consulter les Chéguets? Ouais, attends. Et bah bougez pas, on revient après, dans un instant sur Skyrock, la suite du Planet Rap de Gradure. In the chat. Ladies and gentlemen, Planet Rap. Radio validé par Skyrock. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Il y a du monde derrière ou pas? Avec gradure sur Skyrock. Ça s'appelle L'Homme au Bob, ça sort dans une semaine, lundi prochain, le 23 février. Enfin, ouais. L'album attendu de Gradure, il sera dans les bacs. Et on précommande dès maintenant, allez-y, hein, pour récupérer l'album de Gradure. Voilà, sur iTunes et sur www.fnac.com. Avant de passer au freestyle par téléphone et aussi le live que tu nous feras dans quelques minutes, on met un morceau? On fait quoi ce soir? On retourne un peu en arrière? Vas-y, on va mettre un petit morceau phare. On va mettre Shaggy 10. Ça, c'est un morceau qui était balancé sur internet hein, pour tous ceux qui suivent Gradure. C'était cadeau ça. Qui guettait justement à chaque fois des freestyles, les vidéos. C'est vrai que toi, tu peux aller très vite hein, en faire une, décider. Moi, en ce moment, c'est ça. Je vais au studio, je sors un son, j'écoute, je dis ouais, c'est pas mal. Et hop, j'appelle un caméraman à 2h du matin, je lui dis demain, okay. Demain ça sort. Et ça sort dans la foulée, quoi. C'est-à-dire que tu balances directement. Et c'est un petit peu l'esprit justement des Shaggy que t'as balancé. Ouais. Le dixième. C'est la spontanéité. Le dixième du nom, c'est celui-ci qu'on va écouter maintenant, Shaggy 10. Ah. C'est parti. Grosse casse d'aide à tous ceux qui précommandent l'album, on est ensemble, mais Shaggy, c'est squad. Grosse dédicace à mon 5-9, à Roubaix, Lille, Mverzou, Mverzou. Tous les mecs en prison, on est ensemble. Chez Gay Squad 5-9, on est là. On léger. Squad. Sur du grade, j'en fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casque. Un peu dans le casque. Ouais, je répète, c'est un peu dans le casque. Le petit gratis a changé, devenu mauvais garçon. Sur du grade, j'en fais des pompes, des tractions. Un petit car, j'avais mon bloc et du shit dans le casque. Ouais, je répète, du shit dans le casque. Tous mes chéguets font du mal. Ouais, fais attention. On s'en bat les couilles du rap game, négro. Tous ces rappeurs nous critiquent, ouais, chez qui craignent, négro. On s'y sera jamais comme pour entrer en Dura. Écoutez pas les mecs de Death dans les blocs des putains de guerre. Putain, mon son ainsi tous les négros braqués. Dans les coups de temps, j'monte en scène rebeu, c'est la rue qui me baquait. Fais attention, autour de moi y'a plein de gens. Radio, c'est le plus gentil, mais derrière moi, négros sont méchants. Je les respectais tous quand je les écoutais sur YouTube. Maintenant c'est Gradure qui frappe les négros titules. Je viens de faire en 7 mois ce qu'ils ont jamais fait en 15 ans. Bah ouais qu'ils sont jaloux. Bah tu crois que je plaisante. Tout checks m'a dit wallah Gradure fais leur la misère. Rafale tous ces pétés dans mon régiment. Le game je l'ai mis dans le cul. Il arrête pas de saigner. Ces bâtards veulent ma bite. Maintenant je vais signer. Tout le monde. Sur du Gradure on fait des pompes de traction. Alarmé, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casque. C'est un peu dans le casque. Ouais, je répète, c'est un peu dans le casque. Un peu dans le casque. Le petit gratis a changé, devenu mauvais garçon. Sur du Gradure on fait des pompes, des tractions. Un petit car, j'avais mon glock et du shit dans le casque. Ouais, je répète, du shit dans le casque. Tous mes chéguets font du mal. Ouais, fais attention. Grosse casse d'aide à J-Max et Niska dans la maison chez G-Squad. Le Chege 10 à l'instant, Gradure sur Skyrock entre 20 et 21 dans Planète Rap. Et l'album L'Homme au Bob qui arrive. Mm-hmm. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui demandent des extraits. Je suppose qu'il y aura des extraits dans la semaine. Ouais, peut-être dans la semaine. Peut-être. Des titres inédits. Ouais. Tu vas en lâcher quelques-uns quand même. Ouais. Il y a un clip. Il y a un clip qui sort là, à 21h. C'est lequel ? Ça s'appelle La Peuf. D'accord, donc c'est un morceau qu'on retrouve sur l'album ? Non. Non, même pas, c'est non. Un cadeau. C'est cadeau encore. Ça, c'est cadeau. Voilà. Donc, je suis généreux, non, frère ? T'es super généreux. Donc ouais. C'est l'amour de la musique. 21h ? Ouais, 21h. 21h, à pas le louper, un extrait, enfin pas un extrait, mais un titre comme ça, gratos. Ouais, et le troisième extrait aussi, il viendra mercredi. Ce sera le troisième extrait ? Priez pour moi. Donc on pourra aussi le découvrir mercredi dans l'émission entre 20 et 21 avec Gradure par téléphone. On est avec Yanis de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va Fred? Ça va bien, en pleine forme? Bah tranquille. Je présente Gradure, notre invité avec son chef. Si Yanis, ça va ou quoi? Gradure, ça va quoi? Bah, tranquille. Propre. Ouais, bien mon album hein. En léger frère, on va, léger. On va aller pêcher ça voilà. Ouais, c'est bien, bon. C'est dans 7 jours à la sortie de l'album. Yanis, tu es prêt à freestyler? On y va, c'est parti. Ouais, je suis prêt, vas-y. Ok. Frappe de l'ombre. 1. Tire. Ok. 1. Chez Gay Squad. L'homme au Bob. 1. F2L. Brah. Ok. 1. Check. 1. Deuxième vitesse. 6.3. Palette au volant. Qu'est-ce que tu croyais? Sur la route. C'est que ma proie et mon assurance fait 10 000 fois mon loyer. Dans la coque, tu t'es noyé. Je trouve pas ça très étonnant. Tu t'es tellement inventé des que maintenant la chaîne est un roman. Père et série, un père fier. C'est ta cova que je fauche. À ce qui paraît, t'as le bras long. Il est comme jamais tes gauches. Fauché, tu n'es pas d'argent. La rue défend pas d'argent. Pas besoin de faire tout ton cinéma. Seulement, là, je te casse les jambes. Ok, mais maintenant, mais dans les manes de la naille. Dans les packs, il est ainsi. Pour les malades, tu veux tuer homicide volontaire. Moi, de battre un de ta vie, de ton de ta vie, tu n'es pas de taille, tu ne le feras jamais. Je n'ai pas de droit, je suis un peu comme Jamel. Tu vois, tu n'y arriveras pas, tu peux être devant, tu n'arriveras jamais. Ok, oh. Yanis, à l'instant. Bien bon, Yanis, bien bon. Bien bon, comme le dit Gradure. Ouais. Bonsoir, frérot. Continue, frérot. Faut rien lâcher. Merci, frérot, c'est gentil. Ouais, au calme. Eh bien, merci à toi, Yanis. Merci, c'est gentil. Y'a qui débarque? Y'a qui vient de débarquer? T'es où, Yanis, hein? Là, je suis dans une voiture là. Ah, dans une voiture et toi, il y a des nanas qui arrivent comme ça dans la bagnole. T'as de la chance. Ouais, quand t'as la chance. T'as un chanceux toi. Non, au calme. Bon, on t'écoute, vas-y pour les dédicaces. Ouais, donc le Facebook c'est Yanis de l'ombre, la page Facebook officielle c'est Yanis F2L, le Twitter pareil, Instagram pareil. Il y a le gros mon premier clip du morceau Uzi qui va sortir le 27 février à 18h. Pour que les gens soient connectés à mort, c'est un putain de clip. Mais c'est pas toi, t'as freestylé au premier Planète Rap? Ah ouais, c'était moi. Ouais, il était venu, ouais, Yanis. Ah, et ben voilà. Ouais, je me rappelle. Il suit. Bien bon. En léger. Merci à toi, Yanis. Oh, bon, vas-y. À bientôt, ciao, passe une bonne soirée. Gradure, notre invité. On revient un petit peu sur les morceaux de Gradure. On a passé Shege Squad, le Shege 10. Ouais. Sur quoi on va aller maintenant, Gradure? Il reste combien de sons là? Bah, tu fais un petit live aussi? Ouais. Encore deux sons? Deux sons? Ouais. Vas-y, on va mettre Bleu Marine. Bleu Marine. Tu veux dire un mot sur celui-ci? Celui-ci? Ouais, je suis rentré, j'avais juste le refrain. Et je suis rentré comme ça à l'instant dans la cabine. J'avais pas écrit. Ça donnait un bon petit truc. Et ben on le balance maintenant. C'est parti. Voilà, c'est parti. Gradure dans Planète Rap. Et le son DJ Bleu Marine. On va y aller. Allez, c'est parti. Inscription aussi pour faire tourner la roulette. 41759 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Et on peut balancer donc ce morceau Bleu Marine de Gradure. C'est parti. C'est bon, on l'a retrouvé. Parfait. Allez, c'est parti. Ah, toujours pas. Ou alors vous nous filez les morceaux, on les met de l'autre côté, non? Ça va être plus simple peut-être. Au pire, hein. Au pire. C'est comment, DJ? Bon, ça part pas. Alors, tu sais ce qu'on va faire par contre? On va mettre un extrait de l'album, un des morceaux que t'as déjà balancé. Okay. Par exemple, Terrassé, pourquoi pas? Ouais, vas-y, Terrassé. C'est un des morceaux qui est arrivé, il y a le clip qui va avec, et puis on va régler ce problème et balancer Bleu Marine dans un instant. Vas-y. Allez, c'est parti, Planète Rap avec Gradure. Génération 90, 23 piges, que tu le veuilles ou non, gros c'est moi le plus fort. J'sais que j'suis pas une resta, donc arrêtez de m'aduler. Forme à charger, brrrr, main du lait. J'vous baisse tous, j'vous dois rien. Y'a que maman qui m'a donné du lait. J'les entends tous dire que j'suis qu'un effet de mode, que j'vais pas durer. J'm'en bats les couilles, j'vais voir une joint. J'hésite entre la manique, c'est la Drax. J'ai un code, j'ai gay illimité. J'baisse des prods à gogo. Ouais. Casse la démarche dans le hood. Fais le malin au Kozoa et Coco. Ouais, sale bâtard, négro, j'suis un deuxé. Nalobi, Nasa deuxé. J'fais de la trappe, j'signe des autographes sur des putains de tarpes. J'taffe la semaine, j'reviens le week-end. J'enregistre un son et j'pars dans ma grotte. La vie de ma mère, j'ai trop d'inspi. Ça sort de mon corps comme si j'avais lâché une crotte. Me casse pas les couilles. J'rentre dans ta chatte et j'crache direct. Bah ouais, j'ai pas le temps. J'ai RDV avec Nida. Putain, y'a trois salopes qui m'attendent. J'ai prévenu mes potes, enlevé mes bottes, enfilé la porte. La tête sur mon bob, cette salope m'a dit ouais Gradure j'te la gobe. Ma bite s'est levée aussi vite que ma gomme. Tous ces bâtards de fouteux qui nous regardent des travers dans la boîte avec leur gros salaire. Maintenant ils ont plus club aujourd'hui, aucun diplôme. La roue a tourné, bâtard tu galères. J'crois que j'suis le seul à faire des millions de vues. Et encore au top. Bah ouais, qu'est-ce que t'as cru, petit fils de pute? Moi j'ai jamais rien attendu du rap. Alors où j't'écris, ce sont le principal. Pendant que j'galère dans la caserne. Toc toc toc, ça frappe à la porte. Encore un soldat qui veut de la verte. Plus j'rappe à peine, plus j'sors de la merde. Et forcément ces bâtards me jalousent. Ils m'ont vu entrer, ils font massacrer. Ok tout le monde. Interview, ils m'ont pris pour une tarlouse. Vas-y, viens, tête à tête. Moi j't'attends, moi j't'attends. Chégué, j'suis black, frais, talentueux. Un peu comme Paul Pogba. Bon, je le biffe et la gova à Balotelli, lit et sa gofani dans mon lit. Je veux pas qu'elle partage mon fun comme J-Max et Noah Lunzi. Moi je veux qu'on partage une nuit. Mon papa veut du vivre, maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac long. Change répète. Mon papa veut du vie. Maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac long. Je vais tous les terrasser. Je vais tous les terrasser. Franz Shine, au long tranquille. Je les attaque au LRAC. C'est toujours les mêmes merdes à la radio. Négro, j'en ai assez. Je crois que c'est l'heure de nickel rap game. Ouais, ma trappe va les dépasser. Le Planète Rap avec Gradure, notre invité. En léger. Et ce morceau qui s'appelle Terrassé, avec les images qui vont avec. Ouais. Tourne aux States. Ouais. T'étais beaucoup aux États-Unis ces derniers temps. Ouais, j'étais deux fois. Oh, ça va, ouais. Ça va, j'ai l'impression beaucoup. Qu'il y était beaucoup en fait ces derniers temps. Avec les clips, les images. Ouais, voilà, c'est ça. Avec on balance petit à petit. Avec les featuring ricains aussi, tu veux. Ouais, Chief Keef, Migos. Migos. Ouais, j'étais avec Migos à Atlanta, là, il y a pas longtemps. Avec les Migos. Ouais, c'est, que c'est impressionnant quand même, hein, quand ils se déplacent. Ouais, ils sont pleins, ils sont pleins. Ils sont pas tout seuls. Ouais, ils sont pas tout seuls. Non, mais tu sens quand même côté pression, même autour d'eux, parce que c'est vrai qu'on a on a une image justement du groupe pour ceux qui suivent le rap américain avec, avec Migos et tout. Ouais. Petits jeunes turbulents, mais ouais. Effectivement, ils le sont quand même, non? Ouais, ils se baladent avec des M16 dans la main. En toute tranquillité, normal. Ouais, tranquille. C'est ça, les States. Ouais. Ouais, c'est pas pour la meilleure des choses tout le temps en même temps. C'est pas le meilleur des trucs non plus là-bas aux States. Ouais. Bon, on va découvrir cet album entre 20 et 21 tous les soirs de la semaine. Est-ce que ça fonctionne juste les platines? Faut me dire oui, non, ça marche pas les platines, donc on va peut-être remettre un morceau. Si dans deux minutes ça va marcher, ce qui va. Donc peut-être le temps de remettre un morceau extrait de l'homme au Bob. De Gradure. Ah non, ça y est, ça marche. J'ai vu un pouce levé. Okay. Donc on part sur. Là, on met Bleu Marine et après on fait le live. Et peut-être encore un dernier titre. D'accord, et après un dernier titre aussi. Voilà. Ok, vas-y, mets Bleu Marine. Allez, Bleu Marine maintenant. On l'a annoncé. Le voici. Avec mes négros dans le bloc, défoncé avec mes rebeux dans le bloc, ça fume des blocs, ça vend la drogue, on est armé calibré comme les blocs, défoncé avec mes négros dans le bloc, défoncé avec mes rebeux dans le bloc, ça fume des blocs, ça vend la drogue, on est armé calibré comme les blocs. Formas, semi, auto, poulet, pouka, drive-by, moto, ah, rafale, bata, bechant, cité, costaud, rah, c'est bien fait. Sur la vie de mon pop pour que je fasse de la monnaie, elle est loupa, dis-moi qui va te donner, il va te donner, qui crave ou voler, bravo, on est. Tu me connais. Des kilos dans le coffre, des convoyeurs de fond. Conny musulin ou l'ami dans le féon. Les fachos veulent pas des musulmans en France. On sert même pour les pointeurs violer leur enfant. Donc j'ai quitté l'armée, arrêté de vendre la gueule. Trop pour bigrave, décédé, m'arrête à ce franc. Quitté l'armée pour arriver dans le game et baiser la remède à ses rappeurs sous bronze. Défoncé avec mes négros dans le bloc. Défoncé avec mes rebeux dans le bloc. Ça fume des bleus, ça vend la drogue. On est armé calibré comme les blocs. Défoncé avec mes négros dans le bloc. Défoncé avec mes rebeux dans le bloc. Ça fume des bleus. Ça monte la drogue, on est armé calibré comme les blocs. L'homophobe c'est pour bientôt, c'est le 23 février. L'homophobe c'est pour bientôt, c'est le 23 février. On est marre de travailler, fini la traite des guillères. J'en ai marre de travailler, c'est le 23 février. Ouais, y'a le Bataclan, 25 février. Y'a l'homophobe, le 23 février. Tu vas l'acheter. Où télécharger? Dis-moi, tu vas l'acheter? Où télécharger? Balingi babo ma piso, balingi babo ma piso ndoki, balingi babo ma piso, balingi babo ma piso, bako koka piso te. 2h du matin, je viens de finir d'enregistrer le son. Tu vois, la Côte d'Ivoire, elle a fait 1-1 contre la Guinée. C'est le feu, c'est le feu. Et moi, le son, j'éclate les deux. Force à l'Algérie, qui a gagné 3-1, on est ensemble, mais chez Gay. L'homme au Bob, il arrive bientôt. Soutenez, soutenez, soutenez. Chez Gay Squad, on arrive. C'est léger. C'est léger. C'est léger. Force à mon pays Congo qui vit des moments difficiles. Que RDC à la Coupe d'Afrique, faites le taf, c'est pour le pays. Ensemble, Bisson à Bissot, 243, ça bouge pas. 5-9, Sissi, Roubaix, Lille, M, Tourcoing, Ouascal, toutes les villes, Valenciennes, Lens, 5-9-6-2, ça bouge pas, on est ensemble, Chez Guesquat. Défoncer avec mes nègres dans le bloc, défoncer. Chez Guesquat, sur Skyrock, 5-9, 23 février, l'homme au bob. 25 février, Gradure avec nous. Et le 25 février, en effet, le Bataclan, la sortie. Léger. 23 février de l'homme au bob et ce morceau. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'ambiance de Gradure. C'était en studio. Mm-hmm. T'enregistres un morceau, tu commentes en plus. Là, c'était pendant la CAN. Hein. Ouais, voilà. On entend la Côte d'Ivoire qui venait de jouer. Ils étaient contents là. Un partout, hein, tu le signales d'ailleurs dans le morceau. L'album, tu l'as fait comme ça aussi. C'était aussi spontané sur les morceaux ou... Ouais, sur certains morceaux, ouais, c'était spontané. C'est spontané, surtout à la fin. Il y a des morceaux que j'ai écrits comme ça. Il y a un morceau que j'écris vraiment en impro, c'était Macaque. Ouais. C'est-à-dire, je suis rentré, j'avais aucun texte, je suis rentré comme ça dans la cabine, j'ai trouvé une phrase, après ça s'est défilé. Mais sinon, les autres, tu les as quand même un peu écrire, retravailler ou En ce moment, j'aime bien faire ça, rentrer dans la cabine comme ça, trouver une vibe. J'ai fait ça pour le deuxième couplet de Bob Zer, le couplet de Bleu Marine et sur Remember aussi sur le premier couplet. Gradure qu'on peut retrouver et suivre un peu partout aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, on est là au max, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, on est partout. Est-ce qu'on est prêt pour le live maintenant, Gradure? Vas-y, parfait. On y va? Après, on mettra un dernier son. Et on mettra un dernier son juste après. C'est parti sur Skyrock, le live de Gradure dans Planète Rap. DJ, c'est quand tu veux, c'est parti. C'est dur live. Dur live. Petit message perso pour le DJ. Et tous vos messages aussi avec le hashtag Gradure sur Skyrock. C'est comment, DJ? C'est comment, DJ? Dixon, décale la chambre. D'accord. Prends le casque. Je gagnerai jamais au loto, donc je crois que je vais charger l'auto. Je rirai peut-être d'une balle dans le dos. D'un drive-by en moto, en CD, en sachet, en viscère la peuf. Si j'arrose le beat, une grosse tuerie de peuf. J'suis court, mais trapu et tracé comme deux pas. J'rentre dans la cabine et le bob sert de pas. Il me dit de rafaler le rap français le 23 février. D'une balle lui faire un truc de dingue. La chatte à ma pokora, moi j'viens pas de sortir d'un casting. Faut que la pop ait tout ce milieu de baltrin. Avec ou sans promo, rap rempli de promo. Ferme ta gueule, suce ma bite, non j'suis pas homo. Tu veux la guerre ou la paix? Assis-toi sur ton canal, la nappe. Charge la cage, on va te fumer. Je connais pas le calumet de la paix. Trouve ton corps dans un lac, on va te repêcher à la canane à la pêche. Mes négros peuvent compter sur moi, mais est-ce que je peux compter sur eux? J'ai appelé ma daronne quand je me suis fait péter à la douane avec 400 grammes de peur. Ils m'ont demandé plus de 2500. Dis-moi qui allait me les donner. J'ai perdu ma peau, j'ai perdu mon zeille. J'ai même failli faire virer de l'armée. Même si je donne la force à tous ces rappeurs, qui me le rendra si je t'avance du chien, si je t'avance du shit? Tu vois ce manque ou tu le vendras? En CD ou sachet, sa vie sert la peur. CD ou sachet, sa vie sert la peur. J'suis toute la peur, j'suis toute la peur. En CD ou sachet, sa vie sert la peur. En CD ou sachet, sa vie sert la peur. Sa vie sert la peur. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. En CD ou sachet, sa vie sert la peur. CD ou sachet, sa vie sert la peur. J'suis toute la peur, j'suis toute la peur. En CD ou sachet, sa vie sert la peur. En CD ou sachet, sa vie sert la peur. Sa vie sert la peur. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. Faut que je trouve une groupie qu'elle devienne accro à ma peur. Je me sers mon buzz pour la faire tapiner. Faut qu'elle me ramène un peu de peur. Je vais faire pousser des plantations dans ta chatte. Je trouve ton point G, ça fait ratatata. J'ai viscère la drogue dans l'enceinte militaire. L'argent de la drogue, le nerf de la guerre. Mes chèques sont congolais, Sonic et Calibre et Broly. Tous en chien de bif et de tasse, pas de frolic. Nique ta mère si tu caches pas ton polémique. Polémique. On arrive en boule en équipe sur planète. Top rap musique, négro, wesh, t'es l'élève. L'élève a dépassé le maître et le maître veut lui mettre. Mais le négro est armé d'un 9 mm. En début de 2500, dis-moi qui allait me donner. J'ai perdu ma peur, j'ai perdu mon zeil. J'ai même failli me faire virer de l'armée. Même si je donne la force à tous ces rappeurs, qui me le rendra si je t'avance la peur? Si je t'avance du chute, Tu vas se moquer ou tu vends tout le monde. C'est de où sa chaise à vie sert la peur. C'est de où sa chaise à vie sert la peur. Chie toute la peur, chie toute la peur. On sait de où sa chaise à vie sert la peur. On sait de où sa chaise à vie sert la peur, frère. Sa vie sert la peur, frère. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. On sait de où sa chaise à vie sert la peur. C'est de où sa chaise à vie sert la peur. Chie toute la peur, chie toute la peur. On sait de où sa chaise à vie sert la peur. On sait de où sa chaise à vie sert la peur. Sa vie sert la peur. Si je donne la force à tous ces négros, dis-moi si Dieu me le rendra. Ouais, ouais, ouais. Petit exclu. La peur. Voilà. C'est pas dans l'album, chez gueule. C'est cadeau, ça. Ça. Chez Squad, 21h le clip, en léger. Premier extrait, la mixtape chez Guevara 2, volume 2. Avant l'album, c'est léger. C'est léger, et c'est léger en froid. Gradure avec nous entre 20 et 21. Donc là, si je comprends bien, c'est déjà le premier extrait du projet. Voilà, tout qui à arrive, fait. Non pas lundi prochain, mais dans plusieurs mois. Voilà. Trop fort. Et ça, le clip aussi est fait, hein. Voilà. Toujours un temps d'avance. Eh bah trop fort. Donc le morceau on exclut à l'instant. Mm-hmm. Et le clip qui arrive dans la foulée avec, c'est long. Avec une mixtape. Incroyable mec. Ça n'arrête jamais en fait. Par contre ouais, lundi, soyez bien au rendez-vous pour l'homme au Bob. Ouais, ça va être lourd. Le 23 février, c'est lundi prochain. Ça va être lourd. Gradure, qu'est-ce qu'on met pour conclure avant de faire tourner la roulette? On va mettre le dernier son. C'est le dernier son que j'ai balancé. C'est Remember. Avec Bendo. Avec mon chez Geniska et on va le mettre juste comme ça en son et on va s'enjailler dessus. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Geniska, viens. Bendo na Bendo. Ma frère, donc j'ai voulu t'avancer le bail. On devait partager la part du gâteau, mais toi t'as voulu me drive. Ouais, t'as voulu me drive. Juste pour de la beurre et de la maille. T'es qu'une pédale, un couteau dans le dos par un frère, ça fait mal. Je ramène une équipe pour serrer ce faux négro. Ouais, je vais serrer ce faux négro. Il m'arrête qu'à des palos. Ra, ra, la frappe à ballot. Sur l'homme, arre les armes. Dans la boîte à gants, j'ai caché le beretta. On m'a dit qu'il est planqué près de Saint-Lazare. Faut que j'arrive à gouler chez lui tard le soir. Et j'y fais une dinguerie comme Lil Boussy. Deux balles dans la tête, pas le temps de poser. Rafale le bodyguard Kevin Costner. J'en fais une dinguerie comme à mes concerts. Mes chèques et mes négros, mes charros sont deep. Tu sais que me faut neuf, ça bouge en équipe. On m'a demandé un des négros d'un taille voyanté. Mais si tu payes pas cash, on te kill. Poto, tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de number. Vas-y, téléma. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, téléma. Bonto, tu me dois des sous, do you remember? Ah, oui. Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de number. Allô. Vas-y, téléma. Bendo, téléma. Bendo. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, téléma. Chez nous y'a pas que les balles qui pleurent. Au choix Pablo, ouais. Madrane et Marlo, Madrane et Marlo. Papa allume des raclos pendant que bébé fait dodo. J'te nique ta mère et j'fume de l'herbe après. Ah ouais, ouais. C'est vrai que ta caisse est graille mais c'est un prêt. Je gère le business comme trafiquant. J'ai des chevaux sous le capot, je baise au quinté. J'ai niqué ta mère quand t'es parti plainté. J'l'éclate au pied plus si la porte est blindée. Les cerveaux avancent des kilos. Les riches sont pédophilos. Sur la résidu, le congolais est dans la place en Zanotti, en Versace. Nico, si j'ai pas de flingue, je m'en bats les couilles, je vais te chasser. Poto, tu me dois des sous, do you remember? cherche, t'as changé de number. Petit, téléma, téléma, téléma, téléma, téléma. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, téléma, téléma. Pourtant, tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de number. Petit, téléma, téléma, téléma, téléma, téléma. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, téléma, téléma. Des balles de calage, pas ma cuisine. Ça t'a pensé du haut à la cuisine. Mes Chege et Ndo qui sont rapides, on te l'habite dans Hamid en bolide. Salope, salope, mets-toi à plat ventre. Donne-moi l'alias et les billets. Je t'ai pas oublié, tu croyais t'en tirer. Et fils de pute, elle les ramasse les douilles. Ramasse, ramasse. Tu m'aimes vraiment comme un frère ou comme un billet 500. On trouvera ton corps par terre, gisant dans une sac de chat. La violence, la violence, mes négros aiment ça. Mes négros, mes négros. Oui, mes négros aiment ça. Oui, mes Chege, mes Charo. T'es prévenu comme ça, ça. M'encule pas, m'encule pas, m'encule pas. À trois, passe les rapports. Ramène le dessus, retrouve les accords. Tu es hardcore comme une métaphore. Tu veux faire la guerre, mais t'es même pas fort. Niska, la végradure. Niska dure à la Veniska. Jotel, non, je me fais sucer. Dans la salle de bain par Griselda. Charlie Delta, c'est la NASA. On contrôle la Neuzo comme jamais. Braque les magasins, l'amour en ta veille. Bébé, c'est promis, demain, j'achète des casales. J'achète des casales. Pourtant, tu me dois des sous, do you remember? Ah, oui, oui. Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de number. Petit, téléma, téléma. Téléma, téléma, téléma, téléma. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, téléma, téléma. Pourtant tu me dois des sous. Do you remember? Ah, oui, oui. Ça fait des mois que je te cherche. T'as changé de number. Ah, allô, allô. Téléma, téléma. Allô, allô. Téléma, téléma. Ah oui, oui, ah oui, oui. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, téléma, téléma, téléma. Oh là c'est lourd hein, putain de sa mère. Ah c'est très très lourd. En léger, grosse force à Niska. Grosse force au Chege Squad. Niska à l'instant avec Gradure sur Skyrock entre 20h et 21h dans Planète Rap. Première grosse soirée. Si vous avez vu les images sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock, ça a déjà bien mouillé le maillot. Ça a déjà bien mouillé le Bob, même d'ailleurs. Le Bob arrive le 23. Voilà, le 23, ça va être mouillé. À pas louper. Et là, il est grand temps, juste avant de se quitter, de faire tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886, plus un PS4 qui va avec. Salut Alexandra d'Angerville, ça va bien Alex? Oui, ça va. Et bah écoute, en pleine forme dans ce Planète Rap avec Gradure qui est là et son nom. Ah bah ouais, ça fait plaisir. Tu es prête à faire tourner la roulette Alexandra, on y va? Oui, oui, oui, allô. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Peut-être une PS4 pour toi, ce sera demain matin chez Diffoul entre 6h et 9h. Et sûrement le jeu. Gros jeux événements qui sort jeudi. En exclu sur Skyrock, tu repars avec The Order 1884. Ah bah ça fait plaisir, 86. Merci. J'étais à deux années près, on n'était pas loin. 1886, bon. The Order, c'est pour toi le jeu événement. Merci beaucoup. Alexandra, on t'envoie ces petits tirages au sort donc demain matin chez Diffoul pour la PS4. Entre 6h et 9h, je file ta petite fiche et je la mets dans le Bob Skyrock, le Bob de Gradure, c'est pour toi. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Grosse force à toi, on est ensemble. Merci Gradure pour cette première soirée. C'était lourd. Ça va mieux? Ouais. T'es arrivé un peu. Ouais. Tu repars avec un grand sourire. Sans les Chege derrière ça. Les Chege qui ont donné de la ça force. Ça remange ailleurs, regarde comment je suis. Et ben on continue dès demain et toute la semaine entre 20 grosse et 21. Force. Fred, l'homme au Bob le 23, et le Bataclan le 25. Et à pas louper. Allez précommander. À 21h là, et dans 10 minutes, il y a le nouveau clip qui sort. Avec le morceau que t'as fait en exclu là ce soir dans l'émission. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci au Chege Squad. On va retrouver Diffoul maintenant qui doit être là dans le coin. Et oui, les Chege sont là aussi. Salut Gradure. Salut Fredo. Il a perdu quelque chose de radio. Il est tellement sautillé dans le studio qu'il est en train de chercher. Puis on finit l'émission à quatre pattes dans le studio en train de chercher quelque chose. Gradure. T'es à quatre pattes ou quoi? Il y a Diffoul qui veut faire un petit coucou. Ah, il arrive. Non, c'est bon, il arrive. Hop. Marie, tu as perdu quelque chose, Gradure. Diffoul. Ça va, Gradure? Ouais, ça va et toi? Je disais que les Chege étaient là aussi. Les Chege ou calme, c'est lourd. Demain soir, le Planète Rap de Gradure, c'est aussi à 20h et c'est toute la semaine comme ça, l'album à découvrir. Et l'album, c'est le 23 dans les bacs. Tu viendras la semaine. L'homme au Bob. Voilà, en léger. Grosse force à vous, Diffoul. Et ben merci à toi, Gradure. On fera un petit extrait de l'album là d'ici minuit aussi pour les fans de Gradure qui écoutent Planète Rap pendant une heure. Restez avec nous. Allez, c'est bon. Il y aura du Gradure aussi dans l'émission. Ok, grosse force à toi, on est ensemble. Et ben merci, merci Gradure et merci Fredo. Rendez-vous de rien. Et dans un instant sur Skyrock. Attention, premier son de la soirée. On va filer aux States là pour démarrer cette radio libre bien fort. C'est une bonne idée. Avec pour démarrer ce soir un petit Oti Genesis, c'est pas mal. I'm in love with the coco. Je te mets l'instru, Fred. Tu nous fais un freestyle. Non, c'est la coutume. C'est déjà Romano. C'est bien. C'est largement suffisant dans l'équipe. Ouais, t'as pas le level. Voilà, pas de concurrence dans le label. Non, c'est ça. Demain soir 20h, Gradure. Là, dans un instant, Radio Libre. C'est parti au 01 53 40 30 20. On est en direct. Vous pouvez nous appeler tout de suite. Vous nous laissez vos messages aussi sur le 41759, l'appli Skyrock. Faites péter le Facebook, le Twitter, le diffoul.skyrock.com aussi. On vous attend jusqu'à minuit. Et on vous retrouve avec Coco. Le son d'Oti Genesis. Wow. T'as vu, je chante bien. Hein. Mais quel choriste. Je suis fière de moi. Ça va, c'est le week-end. Non, Marie, c'est lundi. Ça commence bien la semaine. Oui, en effet. Oui, nous sommes vendredi, Marie. C'est la nocturne. Ah bon, ça déconne. En décalage horaire. Bon, il est presque 21h. Voilà, c'est ça. On est bien lundi, on est le 16 février. On est en direct et on arrive avec Coco, le son d'Oti Genesis. Maintenant sur Skyrock. Ciao. Ciao Fred. Ciao.